Et on continue avec Frédéric Buch. Cette fois-ci, c'est le tango pour Brigitte. Non, c'est pas celle que vous pensez. Hein. La fête, comme elle est belle. la vie. Jean et Jeannette, Marie leur fille aujourd'hui. Après la mairie, l'église, le vin d'honneur entre amis, l'accordéon joue et les mariés bravent, c'est l'ambiance. C'est bon la fesse avec toi, tout le fond du monde suit dans le monde. C'est bon la fesse avec toi. Mes vacances en Auvergne, c'est Jackie Caron. Je me souviens de mes vacances, j'avais 10 ans et quand j'y pense, dans le massif central, mon père allait en cure thermale. Pendant ce temps avec ma mère, nous allions cueillir la bruyère du puits de Sancy au Mont d'Or. Je m'y revois encore. J'aimerais que reviennent mes vacances en Auvergne, comme quand j'avais 10 ans avec papa, maman. Je n'ai rien oublié. Au son d'un vieil accordéon, de temps en temps le vieux Léon, sans se prendre pour un artiste, faisait danser tous les touristes. Et quand il prenait sa cabrette, nous on trouvait ça plutôt chouette. Surtout quand il jouait la bourrée, on tapait tous du pied. J'aimerais que reviennent mes vacances en Auvergne, comme quand j'avais 10 ans avec papa, maman. J'aimerais que reviennent mes vacances en Auvergne, le salaire, le pain frais, je n'ai rien. En Auvergne avec un célèbre titre que vous connaissez tous, c'est comme le dire, et c'est Jean-Claude Laboucher. Je ne donne pas le titre, vous le connaissez. Jean-Claude Laboucher. Et ben voilà. We'll be right back. dédicace de la part de Simone pour ses amis de l'accordéon, pour Mamie Geneviève et l'animateur. Merci Simone. Bon après-midi. Attention au coup de soleil. On va écouter L'étoile de Lorraine par Frédéric Buch. Mickembrea. Y'a des merveilles et 100 000 chansons, y'a du bonheur dans ma boîte à frissons, et y'a mon cœur car c'est là sa maison, et puis y'a toi dans mon accordéon, une place de choix au cœur de mes chansons, y'a ton parfum et tes yeux polissons, et puis y'a toi qui remplis ma maison. Je l'ai distribué le dimanche pour le plaisir de tous les amoureux qui viennent chez moi se cacher sous les branches et emporter un petit coin de ciel bleu. Thank you. chansons. Il y a du bonheur dans ma boîte à frissons. Et à mon cœur, car c'est là sa maison. Et puis à toi dans mon accordéon. Une place de choix au cœur de mes chansons. Il y a ton parfum et tes yeux polissons. Et puis à toi qui remplis ma maison. Je l'ai distribué le dimanche pour le plaisir de tous les amoureux qui viennent chez moi se cacher sous les branches et emporter un petit coin de ciel bleu. Et maintenant, retour en Auvergne avec Louis Rispal, Les Garçons de la Montagne. Pistonnade de Vosgienne avec Frédéric Buch. 12h passées de 57 minutes. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Thank you. écoute maintenant René Saget et son orchestre, la Marche d'Auvergne, chantée par Paulette Jordan. C'est Frédéric Buch, c'est bon la valse de la part de Mamé Geneviève pour Simone et pour l'animateur, merci, et pour le soleil qui va venir un de ces jours. Je dis bien un de ces jours. Je ne m'engage pas. Aujourd'hui c'est jour de fête, tout le monde est réuni. Jeannette, qui ont 20 ans se marient. Après la mairie, l'église, le vin d'honneur est servi. Ils ouvrent le bal sous les lilas fleuris et chantent. C'est bon la valse, c'est bon la valse, tente la valse avec moi. C'est bon la valse, rien ne remplace ce bon voyage pour moi. Tout le pauvre du monde suit mon pont. C'est bon la valse avec toi. C'est bon la valse, c'est bon la valse, quand tu la passes avec moi. C'est c'est bon la valse, c'est bon la valse qui tourne avec nous en cadence. C'est bon la valse, rien ne remplace ce beau voyage à ton bras. Tout le bonheur du monde me suit encore. C'est bon la valse avec toi. 20 ans après, c'est la fête. Comme elle est belle la vie. Jeannette, Marie leur fille aujourd'hui, après la mairie, l'église, le vin d'honneur entre amis, l'accordéon joue et les mariés gravent, c'est l'ambiance. C'est bon la valse avec toi, tout le bonheur du monde, je suis d'accord. C'est bon la valse avec toi. Et on continue avec les valses, et c'est Robert Bras, Auvergne Jolie. Thank you. Cantoun, valse auvergnate, interprétée par André Thuet. Et c'est pour le plaisir personnel de Paulette à Fleury-les-Aubrais, à qui je souhaite une bonne santé. La belle Auvergnate, c'est bien entendu, pour ceux qui savent tout au moins, Jean Vessade. 96.2. La FM en couleur. Et je rappelle que je recevrai le samedi 21 décembre, entre 16h et 18h, un orchestre que l'on forme uniquement pour Radio Arc-en-Ciel, des appels des Trois Mousquetaires, Charles Cassonnet, Thierry Monico et Jacques Thauvin. Le 11 janvier 2020, je précise bien 2020, je recevrai Bruno Parny, chef d'orchestre de l'orchestre Berry Musette. Écoutez maintenant Franck Laudet et sa chanteuse Valérie, qui est bien sûr son épouse. Franck Laudet nous interprète La biche aux abois, composée bien sûr par Jean-Désiré Bailly. Et on continue bien sûr en accordéon de nos régions avec la... Ah, je cherche le titre. La Meunière par Claudie Millette et son ensemble. Ou son orchestre, c'est comme on veut. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Passant devant le vieux moulin, j'aperçois la Meunière. Tout en passant devant le vieux moulin, j'aperçois la Meunière. Et je lui dis, Meunière, en passant, m'entretiens-tu un tout petit instant? Et je lui dis, Meunière, en passant, m'entretiens-tu un tout petit instant? Bon, mon monsieur, suivez votre chemin. Venez pas me surprendre, mon bon monsieur, suivez votre chemin. Venez pas me surprendre, ne venez pas troubler mon esprit, car je n'ai rien à vous dire aujourd'hui. Ne venez pas troubler mon esprit, car je n'ai rien à vous dire aujourd'hui. Viens donc me dire là-bas dans le grand bois, à l'ombre du grand chêne. Viens donc Meunière là-bas dans le grand bois, à l'ombre du grand chêne. Je te verrai voir l'oiseau dans les airs, le bout du monde et la feuille à l'envers. Je te verrai voir l'oiseau dans les airs, le bout du monde et la feuille à l'envers. Quand la Meunière aperçut cet oiseau et son charmant plumage, quand la Meunière aperçut cet oiseau et son charmant plumage, auprès de moi, galant, je t'en prie, que je le mette en cage aujourd'hui. Auprès de moi, galant, je t'en prie, que je le mette en cage aujourd'hui. Au bout de 8 à 9 mois au plus tard, l'oiseau fit son ravage. Au bout de 8 à 9 mois au plus tard, l'oiseau fit son ravage. La cage s'ouvrit, l'oiseau est parti pour la Meunière qu'elle fait aujourd'hui. La cage s'ouvrit, l'oiseau est parti pour la Meunière qu'elle fait aujourd'hui. Voilà, voilà le saut des amoureux lorsqu'ils s'en vont à l'ombre. Voilà, voilà le saut des amoureux lorsqu'ils s'en vont à l'ombre. Voilà ce que c'est d'aller dans les bois. On y va deux, on en revient trois. Voilà ce que c'est d'aller dans les bois. On y va deux, on en revient trois. On retrouve Franck Lelay dans une autre composition, Jean-Désiré Bailly, et ça s'appelle La mort du cerf. Et l'angélus qui sonne avertit tout le monde. Caniche à voler, caché dans les fourrés, reste là aux abords. Quelques gouttes de pluie sur la dernière feuille et bénir le vent. La forêt consternée semble porter le deuil de son roi qui est mort. Dans les grandes allées, la vie s'en est allée, mais la queue s'en dit. Et dans l'hiver glacé, les chasseurs sont allés pour en détruire encore. Protégez la nature et faites vie qui dure si vous voulez encore. Le voir dans la ramure sur sa belle parure apparaît indigo. Et on écoute maintenant quelques extraits du CD On danse dans nos campagnes par les Campayous et leur orchestre. Quand vient l'été, sous grand soleil, c'est la beauté qui les merveille. Sous bois cascade et ses sentiers, le monde en a pas son pareil. Charmant touriste et sécuriste, plus de soucis vous serez conquis. Santé assurée pour toute l'année, monde or gaieté. Le monde or vous guérit, le sang si vous ravit. Bonjour ami, au monde or tous les soirs on s'amuse et on vit. Bonjour la vie. L'hiver ou bien l'été, choisissez ce qui vous plaît, vous serez ravis. Le monde vous guérit, le sens si vous ravit, venez amis. le toit des maisons. Un silence de mort plane sur la cité lorsque tombe la nuit. Et moi je suis bien seul, le cœur abandonné dans ma vieille maison. Assis près de mon feu dans les longues veillées, regardant les tisons. Que c'est triste la solitude, quand l'être cher vous a quitté. On a beau changer d'habitude, la vie pleine d'incertitude, parfois semble fatiguer, et l'hiver semble bien plus rude quand on est seul, abandonné. Les Campaillous ont interprété successivement Mondor son si, Solitude de Jean-Désiré Bailly et se retrouver à la Bourboule. Et maintenant, ils vont attaquer, si j'ose dire, des succès de Jean-Désiré Bailly. C'est pas celui-là, c'est l'autre. J'ai une chance sur deux. Dans le joli monde auvergne, quand vient la morte saison, dans nos bruyères et nos vergnes, à la veillée qui fait bon, en ramassant les châtaignes et en buvant le vin doux, on oublie toutes ces peines qui fait bon vivre chez nous. Les bergères nous ramènent à l'abri leurs blancs moutons. On ramasse les noix, les faines et on court les champignons. En chantant chaque semaine, on déguste avec passion. Et on danse à perdre haleine au son de l'accordéon. Par des hirondelles annonce les premiers frimas, mais on est près de nos belles et on ne craint pas le froid. Les premiers flocons de neige apparaissent sur les toits, mais moi je fais des arpèges et je m'endors avec toi. Quand vient la morte saison, dans nos bruyères et nos vergnes, à la veillée qui fait bon, en ramassant les châtaignes et en buvant le vin doux, on oublie toutes ces peines qui fait bon vivre chez nous. Je vous annonce, si tout va bien, le lundi 23 décembre, entre 14h et 16h, émission spéciale sur Radio Arc-en-Ciel consacrée à Noël. D'autre part, à Ormes, marché nocturne et chocolat de Noël le samedi 14 décembre prochain, à partir de 17h30, sur le mail de la Poule Blanche, distribution de chocolat de Noël pour les enfants par le service Enfants-Jeunesse. Vente de tartiflettes géantes à 2 euros la part, préparée par Plado au profit de l'association Les Blues Roses. Animation Clap Clown par la compagnie Orachrome. Vin chaud et marron grillé par l'association Si Orme m'était compté. On continue avec le festival Jean-Désiré Bailly et les Campaillots. Elle est belle la cascade quand elle saute des rochers. Elle chante et puis s'évade jusqu'en bas de la vallée. Au cours de son escapade, elle emporte mon cœur brisé. Car c'est là près de la cascade qu'un jour notre amour est né. Les petits oiseaux chantaient leur roman, les jolies fleurs sentaient si bon. Sous le soleil chaud brillait la cascade, qu'on était bien sur le gazon. Sous trois saisons, près de ma chute, il faisait bon. Et sur un coup de tête, dans une discussion, on s'est séparés pour de bon. Quelle est belle la cascade, quand elle saute des rochers. Elle chante et puis s'évade, jusqu'en bas de la vallée. Elle emporte mon cœur brisé, car c'est la vraie la cascade qu'un jour notre amour est né. Et depuis ce jour, le cœur déchiré, je reviens où l'on s'est aimé. Et je crois revoir au pied du rocher le visage de ma bien-aimée. qui ne viendra pas. Ma symphonie, c'est la rêve éplorée qui, malgré les années, n'ont jamais oubliera. Parfois c'est beau, parfois c'est dur. Appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Thank you.

A empresa Oliveira, com especialidade na renovação e isolamento exterior e interior em todo o tipo de pinturas, procura vários obreiros com motivação e disponibilidade, com ou sem experiência, consoante o perfil. Contacte já o Sr. Oliveira pelo 06-59-74-2101 ou 02-38-76-4086. Entreprise Oliveira, spécialisée dans la rénovation, le ravalement, l'isolation et la peinture, recherche un ou plusieurs ouvriers motivés, avec ou sans expérience. Voir selon le profil. Contactez Monsieur Oliveira au 06 59 74 21 01 ou au 02 38 76 40 86. Interprété par Franck Claudet. Et c'est une de ses compositions. J'ai une dédicace, c'est de la part d'Evelyne, je crois avoir compris Evelyne, malgré le bruit. Pour Christiane de Saint-Jean-d'Arvel, on écoute la chanson des Blés d'Or par notre ami, je peux dire notre ami malheureusement disparu, Jean Cambon. Lorsque l'étoile du mystère revient sourire aux amoureux, as-tu parfois sur la colline, parmi les souffles caressants, entendu la chanson divine que chantent les blés frémissants? Mignonne, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent

l'instant, on vient d'écouter « Tout en haut des volcans » par Paco Alejo. Et il continue « Dans mon cœur, il y a ». Dans mon cœur, il y a des saxos, des trompettes, la basse et la batterie, l'accordéon, musette. Dans mon cœur, il y a les balles du samedi soir qui donnent un peu d'espoir à ceux qui broient du noir. Un air de nostalgie, des enfants et des cris venus d'un autre monde apporter de la joie. Et puis il y a toi qui ne dis jamais rien, toujours près de moi, partageant mon destin. Dans mon cœur il y a les violons des tziganes, le cri d'une guitare qui te met en émoi. Dans mon cœur il y a le sourire d'un enfant qui ne souriait plus depuis déjà longtemps. Un air de nostalgie, des enfants et des cris venus d'un autre monde apporter de la joie. Et puis il y a toi qui ne dis jamais rien, toujours près de moi, partageant mon destin. Les saxos, les trompettes, la basse et la batterie, l'accordéon, musette. Dans mon cœur il y a les balles du samedi soir qui donnent un peu d'espoir à ceux qui broient du noir. Un air de nostalgie, des enfants et des cris venus d'un autre monde apporter de la joie. Et puis il y a toi qui ne dis jamais rien, toujours près de moi, partageant mon destin. Et je vais passer une dédicace là qui va faire jaser un petit peu. C'est pas grave, ça fait rire. C'est de la part de d'Anne-Marie pour l'animateur et d'animateur pour Anne-Marie, comme chaque dimanche. Et ça s'intitule, c'est joué par Mick Bréhain et chanté aussi. Et ça s'appelle Les Amants d'Orléans. Alors là, j'ai l'impression que je vais avoir des coups de fil là, mais c'est pas grave. On s'inquiète pas pour autant. Sur un banc et sont contents. Les amants d'Orléans n'ont pas besoin d'argent, ils sont riches de serments et pour longtemps. Les amants d'Orléans, quand revient le printemps, vont s'asseoir dans les champs tout en rêvant. Les amants d'Orléans, cheveux fous dans le vent, s'en vont le cœur content. Ils n'ont pas le ciel gris de Paris pour rêver, ils n'ont plus le ciel bleu de Méditerranée. Méditerranée. Quand il trouve un endroit, l'endroit pour s'aimer, c'est souvent sur un pont mal éclairé. Comme des enfants, quelque part sur un banc, ils sont contents. Les Samans d'Orléans n'ont pas besoin d'argent, ils sont riches de serments, et pour longtemps, les Samans d'Orléans, quand revient le printemps, vont s'asseoir dans les champs, tout en rêvant. Les Samans d'Orléans, cheveux fous dans le vent, s'en vont et sont contents. Les Samans d'Orléans, cheveux fous dans le vent, s'en vont le cœur content. Eh bien, j'ai un grand merci à faire à tous et à tous les auditeurs. À toutes et à tous les auditeurs, pardon, c'est plus poli. De votre très grande fidélité envers Radio Arc-en-Ciel et surtout envers, bien sûr, envers mes émissions. C'est logique que je pense à moi. Voici donc Merci, merci par Jérôme Robert. Allez, tournez ! C'est bientôt le final, on a le cœur joyeux et les yeux pleins d'étoiles. Comme on les aime, ces chansons éternelles qui animent le bal. Devant vous, maintenant, dans un refrain chantant, on retrouve ces années, ces printemps éclatants qui arrêtent le temps et qui nous font chanter. Merci, merci pour l'amour et la joie dans les cœurs. Merci, c'est toujours un instant de bonheur. On se reverra dans un jour, dans un mois, dans un an. Qu'importe le temps, ce qui compte, c'est qu'on s'aime vraiment. C'est grâce à bientôt, très bientôt sur le banc. Allez, valser, encore et merci, c'est toujours un instant de bonheur. On se reverra dans un jour, dans un mois, dans un an. Qu'importe le temps, ce qui compte, c'est qu'on s'aime vraiment. C'est grâce à vous que la gloire est en vivant longtemps. très bientôt sur le banc. C'est grâce à vous que l'accordéon vivra longtemps. On vous dit merci, à bientôt, très bientôt sur le banc. Et c'est maintenant un hommage, pardon, un hommage à Jean Séguerel par Paco Alejo. Je vais rendre un petit hommage à un roi de l'accordéon. Qui allait de village en village pour chanter ses jolies chansons. Quand il voyait tous ces visages s'illuminant à l'unisson, dans son cœur une petite flamme allumait son accordéon. Tourne à foire Jean Séguerel, joue-nous de ton accordéon. Tourne à foire Jean Séguerel, joue-nous ta belle chanson. Il en a vu des capitales, des cités de tout horizon. Mais dès qu'il voyait son village, ça lui faisait des frissons. Il devinait ses bruyères, ses montagnes et ses vallons. Et son âme tout entière s'agenouillait d'admiration. Tourne à foire Jean Séguerel, joue-nous de ton accordéon. Tourne à foire Jean Séguerel, joue-nous tes belles chansons. D'habiter le centre de la France, et c'est là où je finirai ma vie. et puis un meunier qui poursuit la tradition. Y'a Craponne et puis Marat, Ambérel et Clermontois, le Mont d'Or et Vulcania, valent bien l'Himalaya. De nos montagnes majestueux, plein de charme, résonne comme un animal ami. Oh oh, c'est pour ça qu'on a la chance d'habiter le centre de la France, et c'est là où je finirai ma vie. Samedi soir, avec tous mes amis, devant l'orchestre, on se mettait à chanter des chansons tristes, et puis surtout les gays. Je me souviens, nos poches étaient percées, tout ça ne nous empêchait pas de chanter. Notre le Far West à Clermont-Ferrand, oui, ça fait drôle, hein. Par où allez-vous? Première bagarre le samedi soir avec tous mes amis. Dans la buvette, on se mettait les marrons, des coups de savate et surtout les canons. Je me souviens, nos poches étaient percées, tout ça ne nous empêchait pas de chanter. Notre Far West, il était super bien. Une cigarette et un verre de rosé. Aïe, joue. Je me souviens, nos poches étaient percées, tout ça ne nous empêchait pas de chanter. Notre paroisse qui était super bien, une cigarette et un verre de rosé. Écoute maintenant Mick Bréhain, chanson sur les bords de Loire, paroles de Jean Brun et Mick Bréhain et Corinne Chrétien, musique de Mick Bréhain et Corinne Chrétien. Thank you. danse du terroir, dansons comme autrefois. Dansons et refaisons l'histoire qui dort dans les mémoires de mamie, de grand-papa. Dansons avec nos tourangelles, celles qui sont les plus belles des filles de chez moi. Dansons et quand l'amour s'en mêle, en file à la chapelle, se mettre la bague au doigt. Je vais vous faire entendre maintenant un document qui a toute sa valeur, c'est un document ancien, que vous pourrez retrouver sur Internet en noir et blanc, s'il vous plaît, à l'époque. Daniel Gilbert, à côté de Valéry Giscard d'Estaing, qui joue de l'accordéon. C'est vraiment des archives. Dans la mairie, dans la banlieue d'Innsbruck, qui m'a proposé de me donner des leçons d'accordéon. Enfin, je me suis dit, au fond, c'est pourquoi pas. Et j'ai pris ces leçons, mais vous voyez, assez longtemps, ce qui fait que ma pratique est malheureusement un petit peu éloignée. Vous allez d'ailleurs vous en rendre compte. Non, ça je ne crois pas. J'ai tout à fait confiance. Jouer. Bon, oui, vraiment. Dans la tenue de circonstance, parce que je ne peux pas jouer avec un veston. Et nous avions tout prévu, nous avions pris votre accordéon. Qui est d'ailleurs un petit accordéon. Oui, c'est un petit accordéon. Il y a des variétés, vous voyez, ça dépend de ce qui est du côté droit. Il y a ce qu'on appelle les accordéons chromatiques, et puis des accordéons contre un clavier, et ça c'est un accordéon à clavier. Monsieur le maire, je pense avoir deviné de quel air il s'agit. Alors, quel était l'air ? Je cherche fortune autour du chat noir. Vous faites plaisir parce que vous aviez du mérite à le reconnaître. Ah non, j'ai reconnu très facilement. Alors j'ai gagné. Vous avez gagné. Et qu'est-ce que j'ai gagné ? Vous voulez savoir quelle sera votre récompense ? Oui. Eh bien, ce sera un deuxième air d'accordéon. Eh bien, écoutez, moi, je suis ravie. Voilà, c'était quand même une archive à passer sur les ondes du arc-en-ciel. On va continuer avec un festival maintenant, un festival Jean Séguerel. Ça commence par la Chaumeilloise. « bêtes les femmes d'obéir à leur mari. Quelles sont bêtes les femmes d'obéir à leur mari. J'en ai un comme les autres, jamais je lui obéis. J'en ai un comme les autres, jamais je lui obéis. Passant devant le maire qui avait pourtant promis, en passant devant le maire qui avait pourtant promis, en présence de sa mère d'obéir à ton mari, en présence de ta mère d'obéir à ton mari. Alors j'étais jeune fille, je voulais me marier. Dès le lendemain des noces, c'est moi qui ai commandé. Dès le lendemain des noces, c'est moi qui ai commandé. Sont bêtes les hommes qui se laissent commander. Oh qu'ils sont bêtes les hommes qui se laissent commander. Quand je prendrai une femme, c'est moi qui gouvernerai. Quand je prendrai une femme, c'est moi qui gouvernerai. Une femme, c'est moi qui gouvernerai. Quand je prendrai une femme, c'est moi qui gouvernerai. Tout le monde se parle pas, faire bien pas la polycane, il se voit vite la samba fine, faire bien pas la polycane, tout bien chabé ma caloupa. De la France, qui vengu à la veillade, quoi ils ont de la France, qui vengu en sous-brochou. Faites en bien la polica, et maïna bella samba fine. Faites en bien la polica, et se sent bien marcar ou pas. Des Marseillais, c'est pas tout pire qu'il drôle, et la rend là des Marseillais, c'est pas tout pire le zanto. Pour rien faire la polica, elle m'a une la samba fina, ma irne faille ma dansa, qui la chaboukla. Hai cambiato la polica e mi nove la samba fina e qua mi sono io qua di l'uvere su marita. Pochero salo curè e chantant di salumero. Pochero salo curè et tout le monde est chamugé, quand j'ai autour la polica, et la viobé, la samba fina, l'aujourd'hui a au vitre et dans la polica, dans ma tranza. Et maintenant, en place pour la bourrée. Allez, allez, Lousseau Millou. Vaille, vaille. Allez, parade à la étagère. Youhou! Thank you. Eh, dis donc, Ségurel, joue-nous en tango. Tiens, bonjour, Jeanne. Je tourne à Paris. Comment qu'on va, mon vieux? Ben, ça biche, quoi. Je suis venu faire un tour au pays. Même en vieux, c'est curieux, je reconnais plus personne. Bougre, ma chef, fier comme un bourzé. Une habit flambe néo, une sapermélo et deux fouillés vernis. Garche, mais quel est fabriqué à Paris? Oh, j'ai la bonne planque. Je travaille dans un burlingue. Tiens, ma chabie plus par là, le pas de toi. Il y a ma chien, mais pourtant que j'ai parti à Paris. Ah, qu'est-ce que tu veux, mon vieux? On oublie vite. Et puis, ça la fout mal. Plante-toi, bougre de poïté. Quoi tu que la foutis mal? Tu criches pas tant que quand elle a sa chienne dans ta brasa crevada. Pas où jamais ton melon et ton bord de corps. Et viens faire la bourreille. Qu'on voudra mal que tu te tâches ma greille. Allez, chigreur. Allez, va y faire la millette, ok? Il y a besoin de faire de l'air d'une feuille mouée. Je dis que la poisse a bien une guerre. À bout. Dis le sang d'un bras, voilà ta pierre et la bourrage, dis le sang d'un bras. Pierre et la bourrage, dis le sang d'un bras, voilà ta pierre et la bourrage, dis le sang d'un bras. Près de mes gênes, le tigre pour moi, voilà ta près de mes gênes, le tigre pour moi. Près de mes gênes, le tigre pour moi, voilà ta près de mes gênes, le tigre pour chaque joie elle a pas oublié la tête là. Oui, mais il y a mon comme la figure mon fouillé vernis. Qu'on faire, va. Rappelle-toi de la cause, joie en oublié jamais le patois de son pays, et surtout sa bourreille. Et au roi, vers le bourrin, quoi. Eh ben, chevalité. Je vais à Yougarda. Et on finit en beauté avec cette avec ce CD de Jean Ségurel. En passant, pardon. La Chaumeilloise, la Poleca d'Aos Madranjas, au bal corrézien, et la balade actuellement. Thank you. Mademoiselle Léonie Bougnard, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur François Lagoc, ici présent? Oui, monsieur le maire. Monsieur François Lagoc, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Léonie Bougnard, ici présente? Oui, monsieur le maire. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Aïe, mon Dieu, mon Dieu. Année, année, Léonie, qu'est-ce que tu as marché? Tu y avais pour ton François. Eh bien, fais-le bien au roi. Effacez pas tant de grimaces, Alagne. Et tu figurais, passe devant ton accordéon et mène-nous à Bistrot, hein. Je rappelle quelques dates à retenir. Je reçois le 21 décembre, samedi, entre 16h et 18h, les trois mousquetaires de la région, Charles Cassonnet, Thierry Monicot et Jacques Thauvin. Le 11 janvier 2020, ce sera le tour de Berry Musette avec Bruno Parny. Et le 23 décembre, émission spéciale pour Noël. L'année maintenant, la pauvre Noria, l'année maintenant qui pure attend. Flore est tirant des salles, bien neige, faire la menace à crève des pans. Flore est tirant des salles, bien neige. Et n'oubliez pas demain, 14h, 16h. Cocktail coloré comme chaque lundi. fille d'un fermier, au grand Dieu, qu'elle était belle. C'était la fille d'un fermier, au grand Dieu, qu'elle était belle. Elle a donné ses amitiés à un garçon qui part pour l'armée. Elle a donné ses amitiés à un garçon qui part pour l'armée. Congé, ô mon aimable petite, si tu n'es pas déjà mariée, je reviendrai, je t'épouserai. Si tu n'es pas déjà mariée, je reviendrai, je t'épouserai. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Eh bien voilà, 14h passées de 58 minutes, l'émission d'accordéon de nos régions va se terminer. Je vous laisse en compagnie d'RDP International en direct du Portugal. On se retrouve demain à 14h, 14h, 16h, cocktail coloré suivi, je pense, j'espère, de notre ami Francky et son émission After Job. Voilà, après le travail, en français. Et on va terminer donc avec M. Jean Séguerel. La vérité tout en l'an là du Labouruda. São 2 da tarde em Portugal Continental e na Madeira, 1 hora nos Açores. Foi retomada há cerca de 1 hora a circulação na linha do Voga entre Espinho e Cernada do Voga. Esteve interrompida toda a manhã por causa do despiste de um automóvel. É preciso mais dinheiro para habitação e serviços públicos do que já viu do Orçamento de Estado. A líder do Bloco de Esquerda não se compromete a viabilizar o orçamento. O novo aeroporto de Lisboa fez parte esta manhã da agenda da Cimeira Social do Clima em Madrid, encontro de associações ambientalistas à margem da Cimeira Oficial. Tarde de domingo com períodos de chuva, em geral fraca, chuva ou aguaceiros também na Madeira. Nos Açores, o céu apresenta-se muito nublado. Temperaturas no ar a esta hora estão 20 graus no Funchal, 18 em Ponta Delgada, em Lisboa e em Faro 17, 14 no Porto e também na cidade de Coimbra. Notícias, edição de Isabel Cunhado. Já se circula na linha do Voga. A circulação de comboios esteve interrompida desde as 7:30 da manhã entre Passos de Brandão e Espinho. Um automóvel despistou-se em Passos de Brandão, Santa Maria da Feira, ficou em cima da linha. Este despiste fez um ferido ligeiro que teve que ser desencarcerado e transportado para o Hospital de Santa Maria da Feira. Durante toda a manhã, a CP fez o transbordo dos passageiros em autocarros. Viu e não gostou, Catarina Martins afirma que a proposta de orçamento de Estado para o próximo ano não resolve os problemas dos serviços públicos e da habitação. Por isso, o Bloco de Esquerda ainda não decidiu se vai viabilizar o documento. A proposta inicial que o Governo nos deu conhecimento não cumpre a necessidade de investir onde o país precisa que seja investido, na habitação e nos serviços públicos que estão a precisar de ser recuperados. Não cumpre a necessidade de um caminho de recuperação das condições de vida de quem vive no nosso país e tem uma vida tão dura, tão difícil, num país tão desigual e injusto que é o nosso. Nós fizemos uma série de propostas ao Governo, aguardamos ainda resposta sobre elas. Como já dissemos, o sentido de voto do Bloco de Esquerda no Orçamento está em aberto, completamente em aberto. Os avisos de Catarina Martins esta manhã em Lisboa, numa visita à Feira do Relógio, a líder do Bloco de Esquerda falou também sobre a regionalização para reafirmar que quanto mais tempo se atrasar o referendo, mais o país fica para trás e maiores são os desequilíbrios. Esta manhã, em Madrid, na Cimeira Social do Clima, cimeira alternativa à oficial, à COP25, que termina na próxima sexta-feira, o Grupo Ambientalista Portuguesa Terra fez uma apresentação contra a expansão do novo aeroporto de Lisboa. A associação defende que não é preciso mais capacidade aeroportuária, o que é preciso é voar menos, Miguel Bastos. Um vídeo que mimetiza as indicações de segurança de voo serve para chamar a atenção dos impactos que o crescimento da aviação tem sobre o planeta. A poluição provocada pelos aviões é muito superior à poluição de todos os outros meios de transporte, incluindo o automóvel privado. Importa, por isso, questionar se faz sentido avançar com a extensão do aeroporto de Lisboa, mantendo um aeroporto no centro da cidade. Uma localização que surpreendeu Alejandro Perteguer, um jovem biólogo de 28 anos da Galiza, que vive em Lisboa há menos de um ano. Se não estivermos num contexto de crise medioambiental e de colapso climático, faria sentido. Se pensamos só na esfera económica, na esfera da mobilidade, porque é muito rápido apanhar um voo, então sim que faria sentido. Mas o problema é que a sociedade não está tendo em conta que estamos num contexto de colapso ambiental. Para Francisco Pedro, outro membro do grupo A Terra, presente na Cúmbia, a Cimeira Social do Clima que está a decorrer aqui na Universidade Complutense de Madrid, a solução Montijo, uma zona que poderá estar submersa no final do século, não faz sentido. Defende, de resto, que a discussão mudou, já não é sobre a localização do novo aeroporto, mas sobre a sua necessidade. Mas este exemplo, muito local, está a acontecer um pouco em todo o mundo. O que está a acontecer em Lisboa é um de 1000 projetos em todo o mundo de expansão aeroportuária e o que está a crescer imenso também é a consciência e a contestação a estes projetos. O grupo ambientalista A Terra defende a redução do tráfego aéreo e a opção de formas de mobilidade mais amigas do ambiente. Faz parte, de resto, da rede internacional Stay Grounded, em português, Fica em Terra. Miguel Bastos, enviado especial da Antena 1 à Cimeira do Clima em Madrid. A organização Ecologistas em Ação acusou hoje a polícia de travar uma manifestação ontem em frente a um escritório do Banco Santander para demonstrar a responsabilidade dos grandes bancos na crise climática por financiarem as empresas mais poluentes do mundo. Os manifestantes foram obrigados a dispersar pela polícia e dois ativistas foram identificados. Manifestação pela defesa do ambiente também por cá. Há uma vigília esta tarde contra as dragagens no estuário do Rio Sado por causa dos riscos e dos impactos ambientais, reclama a SOS Sado, a associação que organiza esta vigília. O porta-voz da associação, David Nascimento, fala desses riscos à Antena 1. Incidem não só sobre a biodiversidade do estuário do Sado, que conta com algumas particularidades como as pradarias marinhas, como uma comunidade de golfinhos ruazes residentes, tem presente presentes várias maternidades de espécies que são fundamentais para a comunidade pescatória da região. Estamos também a falar de impactos sobre o património cultural, tendo sido identificados recentemente vários tesouros arqueológicos que estão neste momento soterrados sob o leito do Rio Sado, alguns deles diretamente no canal de dragagem. E estamos também a falar de impactos para a saúde pública, porque nesta avaliação de impacto ambiental foram identificados sedimentos de classes de contaminação consideráveis. Além das ações de rua, a SOS Sado decidiu avançar para a justiça. A associação vai entregar uma providência cautelar às 5:30 da tarde, vigília pela proteção ambiental do Rio Sábado, este domingo, no Jardim da Beira-Mar, junto ao edifício da administração do Porto de Setúbal. As dragagens devem começar já na próxima semana para melhorar o acesso das embarcações ao Porto de Setúbal. Os protestos regressaram hoje a Hong Kong, meio ano depois de ter começado uma onda de manifestações contra a lei da extradição. Os manifestantes têm agora outras bandeiras de luta, Rita Soares. Hoje o cenário é diferente. Em 4 meses foi a primeira vez que as autoridades chinesas não travaram os protestos. Milhares de manifestantes concentraram-se nas ruas de Hong Kong numa espécie de alerta para assinalar o Dia dos Direitos Humanos e com um apelo pela construção de um regime democrático. A luta mantém-se 6 meses depois da primeira iniciativa. Uma luta que começou contra a lei da extradição proposta pelo governo e que acabou por se alargar. Agora combate-se pela liberdade e pela autonomia da antiga colónia britânica que está na dependência administrativa da China. Os manifestantes acusam o governo chinês de querer interferir em Hong Kong, apesar da fórmula ser um país, dois sistemas. Nos protestos de hoje, a polícia deteve pelo menos 11 pessoas, apreendeu petardos, balas.